François qui m'a nassé en la mise en onde. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici d'abord les grands titres. Le président burundais vient de recevoir une délégation rwandaise conduite par le ministre de la Défense au Rwanda. Et c'est dans l'objectif de renormaliser les relations entre Gitega et Kigali. Vous aurez les précisions du porte-parole du numéro 1 burundais. Pénurie de carburant en mairie de Bujumbura et dans les provinces du nord du pays. À Bujumbura, c'est le manque de mazout, tandis qu'au nord du Burundi, on rapporte le manque d'essence. Et les propriétaires de motos et tricycles exerçant le transport rémunéré ont juste une seule journée pour faire l'enregistrement. Ce qui est constaté, c'est que l'affluence est faible jusqu'à maintenant. Et vous aurez également droit à la chronique santé. Voilà pour l'essentiel. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a reçu au palais de Gitega une délégation de haut niveau en provenance du Rwanda, porteuse d'un message de son homologue rwandais, Paul Kagame. Selon le porte-parole du Rwanda en Burundi, ils échangeaient sur le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Suivez. Le président de la République vient de recevoir en audience une délégation de haut niveau, une délégation conduite par le ministre en charge de la Défense, le ministre rwandais. Il était alors porteur d'un message, un message du président rwandais à son excellence le chef de l'État. Ils ont alors échangé sur la normalisation des relations entre les deux pays, entre les deux pays frères. Les échanges ont porté alors sur la normalisation des relations entre les deux pays et entre les deux peuples frères. Le président de la République a d'abord reçu en audience la délégation d'investisseurs américains de la société Virunga Power dans le cadre du programme intégré d'électrification rurale des villages en cours de développement burundi. Vendredi passé, le numéro 1 burundais a promis l'électrification de toutes les communes du Burundi. Pour rappel, le président burundais avait envoyé une délégation au Rwanda le 10 janvier dernier, une délégation qui était conduite par le ministre Ezekiel Nibigira, ayant les affaires de la communauté est-africaine dans ses attributions. Parlons sécurité routière à présent, plutôt sécurité tout court. Environ 22 cas de suicide ont été enregistrés en province Kayanza depuis le début de l'année passée. La police à Kayanza indique que les mobiles de ces suicides sont principalement les conflits conjugaux et fonciers ainsi que la pauvreté dans les ménages. L'administration provinciale de Kayanza s'inquiète de la situation. Rémi Chichahayo, gouverneur de la province Kayanza, appelle les administratifs à différents niveaux à approcher leurs administrés pour les réconforter et les aider à trouver solution à certains problèmes. Correspondance de Patrick Saint-Guillaume. Comme le montrent les données chiffrées fournies par la police à Kayanza, parmi ces 22 cas de suicide enregistrés à Kayanza depuis le début de l'année passée à nos jours, 5 sont de la commune Elango, 4 en commune Kayanza et 4 encore de la commune Muruta. Les mêmes données montrent que les communes de la province Kayanza où il a été enregistré peu de cas de suicide sont principalement Gatara, Muhanga et Kabarole où on y enregistre qu'en seul cas. La police à Kayanza dit que les conflits conjugaux, les conflits fonciers et la pauvreté dans le ménage sont les principales causes de ces suicides et d'après les enquêtes mené par cet organe. Bishop André Florian Dababushimana, psychologue et en même temps expert en médiation interne, précise que lorsqu'une personne arrive à un stade de se donner la mort en se suicidant, des fois il est dépassé par ses problèmes psychosociaux, manquant ainsi d'autres membres de la société pour la réconforter. Selon ce psychologue, les administratifs à tout niveau, les leaders, les communautaires ainsi que différents intervenants dans la gestion des conflits sociaux ont un rôle à jouer pour arrêter ce phénomène des gens qui préfèrent se donner la mort en se suicidant au lieu de gérer les situations de conflit qui les menacent. L'administration provinciale Kayanza s'inquiète beaucoup de la recrudescence des cas de suicide dans cette localité. Rémi Tichia, gouverneur de la province, appelle les administratifs à différents niveaux à être proches de leurs dirigés afin de les aider à pallier à certains des problèmes qui hantent leur vie de tous les jours. Cet administratif provincial à Kayanza appelle également les agents du secteur judiciaire qui accomplissent mal les missions les assignées à se ressaisir. Rémi Tichia estime que le dialogue politiques publiques que les administratifs tiennent à l'endroit de la population la réconfortera, ce qui d'après lui diminuera ses cas de suicide. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganilo. Merci Patrick Nsengi. On va toujours à Kayanza. Deux personnes, dont le directeur du lycée Moussema, le chauffeur qui conduisait le véhicule scolaire de cette école, qui a eu un accident de roulage ce dimanche quand il est transporté les enseignants et les élèves de la province scolaire de Kayanza en provenance de Chibitoke dans le tournoi de football, sont sous les verrous au cachot du commissariat de police à Kayanza pour question d'enquête judiciaire. Les informations fournies par la police disent que le chauffeur est accusé de conduire sans permis de conduire et conduire un véhicule sans document. La même source informe que le directeur d'école est accusé d'irresponsabilité en accordant un véhicule de l'État sans document à un chauffeur sans permis de conduire, ce qui a été considéré comme homicide volontaire d'après le commissaire de police à Kayanza. Du nord du Burundi, rendons-nous au sud où trois personnes sont mortes et 25 blessées depuis le début de cette année au cours de 12 accidents de roulage qui se sont produits dans les différentes routes de la province Bururi. L'excès de vitesse, le manque de professionnalisme chez certains conducteurs de moto et de véhicules en mauvais état sont parmi les causes de ces accidents. Colonel de police Dieudonné Maniragaba, commissaire provincial à Bururi, appelle les conducteurs de véhicules à respecter le code de la route. Zenon Zambimana, correspondance. Selon les données en provenance du commissariat provincial de la police à Bururi, depuis le début de cette année, 12 cas d'accidents de roulage se sont déjà produits dans les différentes routes de cette province. Des accidents qui ont occasionné la mort de 3 personnes et 25 autres blessés, dont 3 qui sont toujours hospitalisés dans les hôpitaux de Matana et Bururi. Parmi ces 12 accidents, 8 se sont produits sur la route nationale numéro 7 Bujumbura-Rutana, d'autres sur la route nationale numéro 16 tronçon Mahwa-Bururi, qui est en cours de construction. Parmi les causes de ces accidents figurent l'excès de vitesse, le manque de professionnalisme, surtout chez certains motards sans permis de conduire, le mauvais état de certains véhicules, le surnombre dans les véhicules et sur les motos assurant le transport en commun et l'impraticabilité de certaines routes. Au cours de la réunion de ce lundi, qui était centrée sur la sécurité routière, la police et les autorités administratives ont appelé les conducteurs des motos à éviter le surnombre des passagers qui est parmi les causes de ces accidents et à ne plus travailler au-delà de 19h. Colonel Maniragaba Dieudonné, commissaire provincial de la police à Bururi, demande aux conducteurs des véhicules et surtout ceux qui assurent le transport en commun de profiter de l'agence de l'Otraco qui fait le contrôle technique des véhicules et ceux du guichet unique, service de la police de sécurité routière qui délivre les permis de conduire, des services qui sont au chef-lieu de la province de Bururi afin de respecter le code de la route. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h04 dans les cieux de la radio Isanganiro, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org. L'affluence d'enregistrement de motos et tricycles par leurs propriétaires est encore faible dans différents endroits visités par nos reporters dans l'avant-midi de à la veille de la clôture de cet enregistrement. Aucun site n'a déjà atteint 50 personnes enregistrées. On vous montre que l'élément n'est pas prêt, mais Francine Diokoubgayo est en train de nettoyer l'élément. Et énergie à présent, la pénurie de carburant de type mazout est une réalité dans différentes stations-service à mairie de Bujumbura. Selon des stations visitées par nos reporters de la radio Isanganiro dans l'avant-midi de ce mardi. En commune Mbendo Mukaza, la seule station dénommée Orée du Golfe était en train de vendre le mazout. Les propriétaires de véhicules qui consomment ce type de carburant indiquent qu'ils travaillent à perte et lancent un appel pressant aux décideurs de trouver solution à ce problème interminable. On y revient juste après la chronique santé. Radio Isanganiro, chronique santé. Faire ce qu'on aime et dire ce que l'on pense aide la femme à se déstresser. Alain Joseph Tungimana, fondateur de Psychologues sans vacances, explique que la femme qui est dans un état de stress doit faire des orientations personnelles pour faire face à ce stress. Et quant aux psychologues, leur soutien aide une personne à retrouver le bonheur et l'espoir. Chronique santé sur la santé mentale de la femme avec Cornelia Mouch. La première étape pour gérer son stress consiste à en trouver la source. Le fondateur des psychologues Sa Vacances, Alain-Joseph Atungimana, précise qu'on peut retrouver le réconfort en échangeant avec des gens, en faisant des activités physiques, sans oublier la méditation pour libérer l'esprit des idées du passé. Il faut établir un calendrier, soit sur papier ou soit sur des portables, où on doit inscrire les horaires de votre travail, que ce soit au niveau professionnel sur le lieu de travail, que ce soit au niveau des rendez-vous que l'on a avec ses amis, que ce soit au niveau des activités familiales. Cela permettra de rester davantage dans le moment présent. Il faut aussi dresser la liste des choses ou des activités que vous désirez réaliser, mais aussi les classer selon l'importance et selon les priorités. Il faut prendre deux moments de méditation, rentrer dans soi, et ce qui va bien et ce qui ne va pas bien, pour en fait trouver les moyens de sortie. Il faut avoir des interactions avec l'environnement, avec les amis, faire des sorties, écouter la musique pour aérer le cerveau. Mais aussi, pendant les moments de travail, il faut prendre des pauses. Je ne veux pas dire sortir du bureau. Mais prendre des pauses, il faut faire le moment de relaxation personnelle. Lorsque la prise en charge personnelle n'est plus possible, il est nécessaire de solliciter l'aide des psychologues. Et lorsque la personne ne peut pas s'aider en faisant toutes ses activités sportives, en écoutant la musique, là, il a besoin d'une aide d'un professionnel, surtout les psychologues ou d'autres professionnels de santé. C'est là où nous faisons des prises en charge psychologiques à travers psychothérapie de soutien. On aide la personne à revenir dans sa peau, mais aussi à trouver en elle tous ces moments de difficulté, tous ces freins dans sa vie qui se répercutent sur sa vie. On essaie de faire des séances de méditation, faire ressortir tout ce qui ne va pas et les remplacer par des pensées positives. Les psychologues peuvent recourir à des psychothérapies familiales lorsque le stress est lié à la vie familiale. Si c'est le stress est lié à la vie familiale, on revient à faire des psychothérapies de couple ou des psychothérapies familiales pour trouver où se trouve la source de stress. Et là, on interpelle son conjoint, on interpelle deux fois les enfants adultes pour échanger autour de phénomènes familiaux qui font source de ce stress. Selon les spécialistes, les femmes sont plus exposées aux facteurs de stress par rapport à l'homme. Ils soulignent que l'état de stress n'est pas une maladie en soi, mais lorsqu'il dure, il peut y avoir des effets graves sur la santé physique et mentale. Merci, Ornella Mouche. Revenons sur l'élément en rapport avec l'affluence d'enregistrement de motos et tricycles par leur propriétaire qui est encore faible. Dans différents endroits visités par nos reporters, dans l'avant-midi, à la veille de la clôture de cet enregistrement, aucun site n'a déjà atteint 50 personnes enregistrées, n'est-ce pas, Francine Dérocoucaille? Sur différents sites d'enregistrement visités ce mardi matin, l'affluence est moyenne. Ils viennent un à un pour le recensement. La personne se présente avec son tuk-tuk ou moto, munie de la carte rose et de la carte d'identité du propriétaire. Nous sommes passés à la zone Kamenge, où des agents recenseurs ne nous ont pas permis de recueillir des informations. Nous sommes ensuite passés par après à la zone Chibitoke et terminé notre visite au site d'enregistrement situé tout près de l'entreprise Metalusa. C'est toujours en commune Nahangwa. Sur ces différents sites de recensement, jusqu'à 11h30 de ce mardi, le nombre des recensés n'atteignait pas 50 par site depuis ce lundi. Certains parmi les propriétaires apprécient toutefois le déroulement de ce travail et d'autres pensent que la majorité de ceux qui n'ont pas encore enregistré leur moto et tuk-tuk ont peut-être des problèmes de transfert. Que ce soit les policiers qui font ce travail de recensement ou les propriétaires, tous demandent qu'il y ait plus de communication afin que la majorité des propriétaires puissent être au courant que la clôture de cette activité est pour ce mercredi et qu'en fin de compte, ils puissent prendre des dispositions adéquates. Merci Francine Ndihokubgayo. La pénurie de carburant de type azote est une réalité sur différentes stations-services. À mairie de Bujumbura, ce sont 10 stations visitées par les journalistes de la radio Isanganiro dans l'avant-midi de ce mardi. En commune de Mukadza, la seule station dénommée Aurée du Golfe était en train de vendre le mazout. Les propriétaires de véhicules qui consomment ce type de carburant indiquent qu'ils travaillent à perte et lancent un appel pressant aux décideurs de trouver solution à ce problème interminable. Pénurie de carburant également de type essence dans les quatre provinces du nord du Burundi, à savoir Ngozi, Kayanza, Kirundo et Muyinga, où aucune station-service n'a aucune goutte. Au marché, l'essence se vend difficilement. Au marché noir, l'essence se vend difficilement à un prix exorbitant. Une bouteille en plastique d'un litre et demi se vend entre 8 000 et 9 000 francs burundais. Conséquence, le prix du ticket de transport a été revu à la hausse. Pour illustration, le ticket pour faire Ngozi Muyinga est entre 9 000 et 10 000 francs burundais contre 6 000 francs burundais reconnus. Les passagers grognent et disent ne pas comprendre pourquoi cette pénurie perdure alors que le gouvernement a récemment revu à la hausse le prix de l'or noir. Les conducteurs de taxi-voiture de Ngozi se rendaient s'approvisionner ce mardi matin dans la Kibira Andola sur la Makadam Kayanza à Chibitoke. Mais l'élément qui est pris, c'est l'élément en rapport avec la pénurie de carburant de type mazout, qui est une réalité aux différentes stations-service à mairie de Bujumbura. C'est Variste Ndikobanyanga qui a fait le tour dans ces stations-service et voici son reportage. Il est 10h dans l'avant-midi de ce mardi. Nous sommes à la station dénommée Aurée du Golfe, au quartier asiatique. Des longs files d'attente de véhicules pour se procurer du mazout se font voir. Les propriétaires de ces derniers disent être dépassés. Celui-ci indique qu'il vient de passer toute une semaine à la pompe, à la recherche du carburant. Il indique ne pas comprendre pourquoi le mazout est toujours rare alors que son prix a été récemment revu à l'hausse. Le manque à gagner est énorme, voire même le temps qu'il passe au fil d'attente du carburant de type mazout. Ces propriétaires de véhicules qui font la queue à la pompe indiquent que les pertes sont énormes vu que leurs véhicules sont garés devant les stations-service. Ne sachant pas à quel sens se vouer, les uns demandent la revue à la hausse du litre de mazout alors que les autres disent non. Mais plutôt, ils demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème qui se pose toujours. Celui-ci trouve ce carburant de type mazout pour qu'il soit disponible. Aux stations visitées qui n'avaient aucune goutte de mazout dans l'avant-midi de ce mardi en commune urbaine de Mukaza, les pompistes ont indiqué à la radio Isanganiro que le tarissement du mazout s'observe depuis vendredi de la semaine passée. Et en page internationale, quelques nouvelles internationales avant de boucler cette édition. Burkina Faso, le président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, lance une mobilisation des militaires à la retraite face à une recrudescence des attaques attribuées aux groupes armés terroristes. Le chef de l'État veut renforcer les effectifs et tous les sous-officiers et militaires du rang parti à la retraite. Ces trois dernières années sont appelés à rejoindre les forces armées jusqu'au 18 mars au titre de la réserve. Et en Ukraine, un couvre-feu a été déclaré à Kiev dès mardi soir après plusieurs frappes écrit la Radio France Internationale au 20e jour de l'invasion de l'Ukraine, de l'invasion russe en Ukraine. Plusieurs quartiers au centre de Kiev ont été touchés par des frappes alors que la quatrième session de pourparlers doit se poursuivre ce mardi 15 mars. C'est dans ce contexte que les premiers ministres polonais, tchèques et slovènes se rendront à Kiev. Et enfin, Les matchs comptant pour la 8e des finales de la Ligue des Champions vont continuer ce soir. La formation Ajax d'Amsterdam de Hollande va croiser le fer avec Benfica de Portugal. Et le match qui sera retransmis en direct sur les ondes de la radio Isangani à partir de 22h, qui opposera Manchester United d'Angleterre qui va accueillir Atlético Madrid de l'Espagne. Point final à cette édition. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci également à François Kimana qui l'a mise en nom. Deli, Nibel, Nibigil, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Très bon appétit si vous êtes à table.